veut me garder le secret, je vais gagner la dot de ma fille, 200 000 francs, pour 10 ans d'attachement à cet ancien marchand de gants, le père Crevel. Il reste à Hortense un oncle. Qui ? Le père Fischer. Il arrange ses affaires, et par la faute du baron encore, dont le râteau passe sur toutes les caisses qui sont à sa portée. Le comte Hulot. Oh ! Votre mari, madame, a déjà fricassé les économies du vieux lieutenant général. Il en a meublé la maison de sa catentrice. Voyons, me laisserez-vous partir sans espérance ? Adieu, monsieur. On guérit facilement d'une passion pour une femme de mon âge, et vous prendrez des idées chrétiennes. Dieu protège les malheureux. En ce moment, la baronne avait été conduite, l'ancien parfumeur, jusqu'à la porte. Pour un libertin, ajouta-t-il, en faisant une moue d'homme vertueux et millionnaire. Si vous aviez raison, monsieur, ma Constance aurait alors quelques mérites. Voilà tout.